Chapitre 12. Je pars, monsieur. Je pars et reviens à l'instant. Shakespeare. En voyant subitement tomber un des leurs, les Hurons s'arrêtèrent pétrifiés d'étonnement. Mais en présence d'un coup de feu si extraordinaire, qui venait d'immoler un ennemi au risque d'atteindre un ami, le nom de la longue carabine fut dans toutes les bouches. Et il s'éleva aussitôt une sorte de clameur plaintive, à laquelle répondit un grand cri, parti d'un taillis voisin où la troupe imprudente avait déposé ses armes à feu. Au même instant, Œil de Faucon, sans prendre le temps de recharger sa carabine, se rua sur eux à grands pas, la crosse en l'air. Quelque rapide que fût sa course, il fut devancé par un nouvel arrivant non moins vigoureux que l'Est, qui, après l'avoir dépassé d'un bond, s'élança avec une audace incroyable au milieu même des Hurons et là, se plaçant devant Cora, se mit à jouer du tomahawk et du coutelas. Après lui, un troisième combattant, dont le corps était peint des emblèmes de la mort, se glissa comme un spectre et vint prendre à ses côtés une attitude menaçante. Les bourreaux reculèrent devant ces ennemis redoutables et inattendus. Une exclamation de surprise les accueillit et l'on entendit retentir ces surnoms qui leur étaient familiers. Le cerf agile, le grand serpent. Quant à l'astucieux Magua, il ne se laissa pas aisément déconcerter. Jetant un vif coup d'œil sur la plateforme, il comprit sur le champ quelle devait être la nature du combat et encourageant ses compagnons de la voix et de l'exemple, il tira son coutelas et se précipita avec un grand cri sur Chingachgook qui l'attendait de pied ferme. Ce fut le signal d'une mêlée générale. Aucun des deux parties n'avait d'armes à feu et la question devait se décider par une lutte mortelle, corps à corps. Uncas, qui était au premier rang, attaqua un Huron, non sans pousser son cri de guerre, et lui fracassa le crâne d'un grand coup de hache. De son côté, le major, son parent de celle qui était restée enfoncée dans l'arbre, vint augmenter le nombre des combattants qui devint alors égal de part et d'autre. Chacun choisit son adversaire dans les rangs ennemis. Les coups s'échangèrent avec la fureur de l'ouragan et la rapidité de l'éclair. Œil de Faucon s'était vivement jeté dans la mêlée. D'un coup de crosse, il brisa les armes impuissantes que lui opposait son antagoniste et un second coup l'étendit à terre. Hayward, trop impétueux pour attendre d'être assailli, lança sur un Huron la hache dont il venait de s'emparer et l'atteignit à la tête. Encouragé par ce léger avantage, il poursuivit son attaque et saisit le sauvage à bras-le-corps. Il se convainquit bientôt de son imprudence et tout ce qu'il put faire, à force de sang-froid et de courage, fut de parer les coups furieux que lui portait le coutelas de son ennemi. Incapable de triompher d'un combattant si agile, il l'entoura de ses bras et réussit à paralyser ceux du Huron dans une étreinte de fer, mais trop violente pour être de longue durée. En cette extrémité, il entendit près de lui une voix qui criait « À mort ! Point de quartier aux maudits Mingos !» Et le moment d'après, la terrible crosse d'Œil de Faucon s'abattit sur la tête nue de son adversaire. Après sa première victoire, Uncas se mit, comme un lion affamé, à chercher une nouvelle proie. Le cinquième Huron, le seul qui n'eût point pris part au combat, s'était arrêté un moment et, voyant que tous autour de lui étaient engagés dans cette lutte mortelle, il avait tâché avec une malice infernale de compléter l'œuvre de vengeance qui venait d'être interrompue. Avec un rugissement, il se tourna vers Cora et la prit pour but de sa rage. Le tomahawk, mal lancé, frisa l'épaule de la jeune fille et trancha les liens qui la retenaient captive. Libre de fuir, mais oublieuse de sa propre sûreté, elle courut à sa sœur et s'épuisa en efforts pour la détacher à son tour. Tout autre qu'un monstre se serait arrêté à la vue de cet acte de généreux dévouement à l'affection la plus pure, mais le cœur du Huron, égaré par la fureur, était étranger à tout sentiment d'humanité. Saisissant Cora par sa magnifique chevelure qui s'étalait en désordre, il la força de lâcher prise et la fit brutalement tomber sur ses genoux. Puis, tordant ses boucles flottantes autour de sa main, il brandit son couteau autour de cette tête charmante avec un rire d'insulte et de triomphe. Mais il paya cher ce moment de jouissance farouche. Uncas venait d'apercevoir ce spectacle d'horreur. Il s'élance, franchit l'air d'un bond et s'abat comme la foudre sur la poitrine du bourreau qu'il renverse et entraîne à quelques pas de là. Ils se relèvent ensemble et luttent à forces égales jusqu'au moment où le Huron va mesurer la terre, atteint à la fois par le tomahawk d'Hayward, la carabine d'œil de faucon et le couteau d'Uncas. La bataille touchait à sa fin, mais la lutte entre le renard subtil et le grand serpent se prolongeait encore. Ces guerriers barbares prouvaient qu'ils avaient bien mérité les surnoms que des exploits antérieurs leur avaient fait donner. D'abord, chacun d'eux s'occupa à détourner les coups rapides et vigoureux de son adversaire. Puis, se ruant tout à coup l'un sur l'autre, ils se prirent corps à corps et roulèrent ensemble à terre, enlacés comme deux couleuvres. Lorsque les trois vainqueurs se trouvèrent en face d'eux-mêmes, on ne pouvait distinguer le théâtre de ce dernier combat qu'aux nuages de feuilles et de poussière qui s'en élevaient comme sur le passage d'un ouragan. Poussé par les motifs de l'affection filiale, de l'amitié et de la reconnaissance, Hayward et ses compagnons accoururent d'un commun accord et formèrent un cercle autour de cette voûte qui couvrait les guerriers. En vain, Uncas cherchait à plonger son couteau dans le cœur de l'ennemi de son père. En vain, Œil de Faucon levait en l'air sa carabine menaçante. Et Duncan, d'une main qui paraissait avoir perdu toute vigueur, s'efforçait vainement de saisir les membres du Huron. Couverts de poussière et de sang, les combattants, dans la convulsion de leurs mouvements, semblaient ne former qu'un seul être. L'image de la mort peinte sur le corps du Mohican et la figure sinistre du renard apparaissaient tour à tour à leurs yeux dans une succession si prompte et si confuse que les amis du premier ne savaient où frapper. Il y avait de courts instants où les yeux féroces de Magua brillaient, comme ceux du fabuleux basilic, à travers le tourbillon de poussière qui l'environnait, et ses coups d'œil rapides lui suffisaient pour le convaincre du sort qui l'attendait. Mais avant qu'une main ennemie pût atteindre sa tête coupable, elle était remplacée par le visage irrité de Chingachgook. C'est ainsi que le combat commencé au centre de la plateforme avait été transporté à son extrême limite. Le Mohican trouva enfin l'occasion de décharger un coup terrible avec son couteau. Magua aussitôt lâcha prise et tomba en arrière sans plus donner signe de vie. Le vainqueur se releva et fit retentir les échos de son cri de triomphe. « Bravo les Delawares ! Victoire aux Mohicans !» s'écria Œil de Faucon. « Le coup de grâce donné par un homme de pur sang ne saurait porter atteinte au renom de notre ami ni le priver de son droit à la chevelure. » Mais au moment où, levant la crosse de son fusil, il allait joindre le geste à la parole, le subtil Huron, se dérobant au cou, se laissa glisser le long du talus et disparut en quelques bonds dans les profondeurs de la forêt. Les deux Mohicans, qui avaient cru leur ennemi mort, poussèrent leur exclamation habituelle de surprise, et déjà ils se mettaient à sa poursuite comme des limiers qui ont le gibier en vue, lorsque le chasseur les fit changer de résolution et les rappela au sommet de la colline. « C'est bien digne de lui !» s'écria le coureur des bois, en qui les préjugés faisaient taire l'équité naturelle dans tout ce qui se rapportait aux Mingos. « Ah, l'hypocrite et rusé coquin ! Un honnête Delaware, une fois vaincu dans les règles, n'aurait pas bougé d'une semelle et se serait laissé casser la tête. Mais ces gueux de Maquas s'accrochent à la vie comme des chats sauvages. Laissez-le aller, ce n'est qu'un homme après tout. » « Il n'a ni arc ni fusil. Il est loin de ses camarades, les Français. C'est un serpent à sonnette qui a perdu ses crocs. Avant qu'il puisse nous faire du mal, nous aurons laissé l'empreinte de nos mocassins sur une longue étendue de sable. « Voyez, Uncas, ajouta-t-il en Delaware, voilà votre père qui est déjà en train de récolter les chevelures. Il serait bon de faire une ronde pour s'assurer si tous les drôles sont bien morts. » Autrement, nous pourrions bien en voir d'autres s'enfuir dans les bois et criailler comme des geais à qui l'on a rogné les ailes. » Ce disant, L'honnête mais implacable chasseur passa les morts en revue et leur plongea successivement dans le corps la lame de son coutelas avec autant d'indifférence que s'il eût eu affaire à des cadavres d'animaux. Toutefois, le vieux Mohican avait pris les devants et arraché de la tête des vaincus les trophées de la victoire. Uncas, démentant ses habitudes et pour ainsi dire sa nature, et cédant à un instinct de délicatesse, jugea plus urgent d'aller au secours des deux sœurs et de débarrasser Alice de ses liens. Nous n'essaierons pas de peindre la reconnaissance dont furent pénétrées envers le souverain arbitre des choses humaines les deux jeunes filles ainsi miraculeusement sauvées et rendues l'une à l'autre. Leurs actions de grâce furent solennelles et silencieuses. Leur prière touchante s'éleva comme une flamme brillante et pure sur l'autel de leur cœur. Et leurs sentiments, longtemps comprimés, s'épanchèrent dans un long embrassement, dans de ferventes et muettes caresses. Alice balbutiait avec des sanglots le nom de leur vieux père. Les rayons de l'espoir brillèrent de nouveau dans ses yeux de colombe et illuminèrent sa physionomie d'une joie qui tenait plus du ciel que de la terre. « Sauvés, murmura-t-elle, nous sommes sauvés. Nous irons retrouver notre père adoré, et son cœur ne sera point brisé de douleur. Et toi aussi, Cora, ma sœur, ma seconde mère, toi aussi tu es sauvée. Et Duncan, ajouta-t-elle en regardant le jeune homme avec un sourire d'angélique pureté. Notre brave, notre généreux Duncan a échappé sain et sauf. À ces paroles prononcées avec chaleur, à ces marques désordonnées de tendresse, Cora ne répondait qu'en pressant tendrement sa jeune sœur sur son sein. Hayward ne rougit pas de verser des larmes, et Uncas, encore souillé de sang et spectateur impassible en apparence, laissait deviner dans l'éclair sympathique de ses regards qu'il était en avance de plus d'un siècle sur ses sauvages compatriotes. Pendant cette scène attendrissante, Œil de Faucon, dont la méfiance vigilante s'était assurée que les Hurons, qui seuls défiguraient ce tableau céleste, n'étaient plus en état d'en troubler l'harmonie, s'approcha de David et le délivra de ses liens qu'il avait endurés avec une patience exemplaire. « Voilà qui est fait !» dit le chasseur en jetant à terre la dernière branche d'osier. « L'usage de vos membres vous est de nouveau rendu, quoique vous n'ayez pas l'air de vous en servir avec plus de jugement que la nature en a mis à vous les faire. S'il ne vous déplaît pas d'avoir la vie d'un homme qui n'est pas plus vieux que vous, mais qui, ayant passé la plus grande part de sa vie au désert, a plus d'expérience que d'années, je vais vous dire ma façon de penser. Vendez au premier imbécile que vous rencontrerez ce petit hurlututu qui sort de votre poche et employez-en le produit à acheter une arme de défense, ne fût-ce qu'un méchant pistolet d'arçon. Avec de la peine et de l'industrie, vous pourrez arriver à quelque chose, car en ce moment, il vous semble clair comme le jour, j'imagine, qu'un corbeau à charogne vaut mieux qu'un oiseau moqueur. L'un du moins délivre l'homme d'un spectacle dégoûtant, tandis que l'autre n'est bon qu'à brailler dans les bois et à abuser par des sons trompeurs tous ceux qui l'entendent. Armes éclairant pour la bataille, soit, mais des chants pieux et des actions de grâce après la victoire, répondit David, et il tendit à son libérateur sa main maigre et délicate, avec une expression affectueuse et les larmes aux yeux. « Ami, je te remercie de ce que ma chevelure est encore où il a plu à la providence de la maître. On n'en peut trouver de plus brillante et de mieux frisée, mais telle qu'elle est, j'estime la mienne fort commode et merveilleusement adaptée au chef qu'elle recouvre. Si je n'ai point pris part au combat, ce n'est pas faute d'envie. J'en ai été empêché par les liens de ces mécréants. Tu as fait preuve de vaillance et d'adresse dans la bataille, et je t'en remercie avant de m'acquitter de devoirs plus importants, parce que tu t'es montré digne des louanges d'un chrétien. » « Ce n'est qu'une bagatelle, » dit l'autre plus favorablement disposé envers le maître de chant depuis cette franche explosion de sa reconnaissance. « Il n'y a rien là que vous ne puissiez voir fréquemment si vous passez quelque temps parmi nous. J'ai retrouvé le père Sedin, mon vieux et fidèle compagnon, » ajouta-t-il en frappant sur le canon de sa carabine. « Et cela seul est une victoire. Tout malins qu'ils sont, ces Iroquois ont fait une sottise paumée en plaçant toutes leurs armes à feu hors de leur portée. Et si Uncas et son père avaient eu un grain de prudence indienne, nous serions arrivés sur ces misérables avec 3 balles au lieu d'une, et la bande entière y eût passé d'un coup, le vaurien qui s'est sauvé comme les autres. Mais bah, c'était réglé là-haut, et tout est pour le mieux. « Vous dites vrai, repartit David, et vous avez le véritable esprit du christianisme. Qui doit être sauvé sera sauvé, qui est prédestiné à être damné sera damné. C'est la doctrine de vérité. Elle console et rafraîchit l'âme du fidèle croyant. » Le chasseur, qui s'était assis et qui examinait l'état de sa carabine avec une sollicitude toute paternelle, tourna la tête vers le psalmodiste et l'interrompit d'un ton brusque et mécontent. « Doctrine ou non, dit-il, c'est une croyance de coquin et que tout honnête homme doit maudire. Que le Huron étendu là ait dû périr de ma main, je crois cela, car je l'ai vu de mes yeux. Mais à moins d'en être témoin, jamais on ne me fera croire qu'il soit admis au nombre des élus et que Chingachgook, par exemple, puisse être condamné au jugement dernier. Vous n'avez aucune garantie d'une aussi audacieuse doctrine et vous ne pourriez l'appuyer d'aucune autorité ?» s'écria David avec feu. Notre maître en psalmodie était profondément imbu de ces distinctions subtiles dont on avait de son temps, et surtout dans sa province, défiguré la noble simplicité de la révélation en cherchant à pénétrer le redoutable mystère de la nature divine, en suppléant à la fois par la grâce efficace et entraînant par conséquent dans l'absurde et le doute tous ceux qui raisonnaient d'après de tels dogmes. Il poursuivit sans être toujours exact dans le choix de ses termes. Votre temple est bâti sur le sable, et la première tempête en ébranlera les fondations. Sur quelle autorité, je le demande, appuyez-vous cette assertion si peu charitable? Nommez le chapitre et le verset. Dans quel livre des Écritures trouvez-vous un texte à l'appui de votre doctrine? Des livres, répéta Œil de Faucon sur le ton d'un parfait mépris. « Me prenez-vous pour un enfant pleurard, pendu au tablier d'une de vos vieilles filles? Prenez-vous la bonne carabine qui est sur mes genoux pour une plume d'oie, ma corne de bœuf pour une écritoire, et ma poche de cuir pour un mouchoir à carreaux destiné à porter le dîner de l'école? Des livres! Et qu'en ai-je besoin, moi qui suis un guerrier du désert, quoique de sang non mélangé? Je ne lis jamais que dans un seul livre, et pour apprendre ce qu'il y a écrit dedans, il ne faut pas de grandes études. » Et pourtant je puis me vanter d'y avoir déjà lu 40 années durant et d'un travail long et pénible. Un livre ? Demanda David, qui se méprenait sur le sens des paroles du chasseur. Comment le nommez-vous ? Le voilà tout ouvert devant vous, reprit l'autre, et celui à qui il appartient n'en refuse l'usage à personne. J'ai ouï dire qu'il y a des gens qui vont chercher dans les bouquins la preuve de l'existence d'un dieu. Il est possible que dans les colonies, l'homme déforme à tel point les œuvres de Dieu que ce qui est évident au désert devienne matière de doute parmi les marchands et les prêtres. S'il existe des gens pareils, qu'ils me suivent de soleil en soleil dans les détours de la forêt, ils en verront assez pour apprendre qu'ils sont des sots et que leur plus grande sottise consiste à vouloir s'élever au niveau de celui qu'ils ne pourront jamais égaler en bonté ni en puissance. » Du moment que David s'aperçut qu'il discutait avec un homme qui puisait sa foi dans les lumières naturelles, sans se soucier des subtilités de doctrine, il renonça volontiers à une controverse dont il ne pouvait résulter pour lui ni honneur ni profit. Pendant que le chasseur parlait encore, il s'était assis comme lui, et, tirant de sa poche son psautier et ses larges besicles, il se préparait à remplir un devoir dont l'attaque inattendue, dirigé contre son orthodoxie, pouvait seul avoir suspendu l'accomplissement. C'était, au fond, un ménestrel du Nouveau Monde, de plus fraîche date sans doute que ces bardes inspirés qui chantaient la gloire profane des barons et des princes. Mais enfin, c'était un ménestrel assorti à l'esprit de son temps et de son pays, et il allait montrer son savoir-faire en célébrant la victoire qu'on venait de remporter, ou plutôt en offrant à Dieu les actions de grâce des vainqueurs. Il attendit patiemment qu'Œil de Faucon eût cessé de parler. Alors, levant les yeux et les mains vers le ciel, il dit à haute voix : « Je vous invite, mes amis, à vous joindre à moi pour remercier le ciel de nous avoir miraculeusement sauvés des mains des barbares et des infidèles sur l'air consolant et solennel de Northampton. Il indiqua ensuite la page où se trouvait le cantique qu'il avait choisi et appliqua le diapason à ses lèvres avec autant de gravité que s'il eût été dans un temple. Cette fois-ci, néanmoins, nulle voix n'accompagna la sienne, car les deux sœurs ne songeaient alors qu'à se donner ces tendres témoignages d'affection dont nous avons parlé. Indifférente à l'exiguïté de son auditoire qui, à dire vrai, ne se composait que du chasseur mécontent, il chanta d'un bout à l'autre l'hymne sacré, sans aucune espèce d'accident ni d'interruption. Œil de Faucon écoutait, tout en s'occupant, froidement, à ajuster sa pierre à fusil et à recharger sa carabine. Mais ses accents, n'étant pas secondés par l'illusion des lieux et de la sympathie, ne firent sur lui aucune impression. Jamais ménestrel, qu'on donne à David ce nom ou un autre plus convenable, n'exerça ses talents en présence d'un auditoire plus insensible. Et pourtant, en n'ayant égard qu'à la bonne foi et à la sincérité des motifs qui l'animaient, il est probable que jamais chantre profane n'a fait entendre des accents qui se soient élevés aussi près du trône de celui à qui sont dues toute louange et tout hommage. Bientôt le chasseur secoua la tête, et marmottant quelques mots inintelligibles, parmi lesquels on distinguait seulement ceux de gosier et d'iroquois, il se leva pour aller inspecter l'arsenal des Hurons tombés en leur pouvoir. Dans cet examen, il fut assisté de Chingachgook, qui reconnut son fusil et celui de son fils. Heyward et même David y trouvèrent également de quoi s'armer, et ils ne manquaient pas de munitions pour rendre cet armement efficace. Quand les deux enfants de la forêt eurent fait leur choix et terminé la distribution des objets pris sur l'ennemi, le chasseur déclara que le moment était venu de se remettre en route. David avait achevé son cantique et les deux sœurs avaient eu le temps de calmer leurs émotions. Avec l'aide du major et du jeune Mohican, elles descendirent la pente de cette colline qu'elles avaient naguère gravie sous des auspices si différents et dont le sommet avait failli être le théâtre de leur mort tragique. Au bas, elles trouvèrent leurs chevaux qui paissaient l'herbe des broussailles et, se remettant en selle, elles suivirent les pas d'un guide qui, dans les occasions les plus critiques, s'était montré leur ami. La première marche ne fut pas longue. Œil de Faucon, quittant le sentier détourné qu'avaient pris les Hurons, tourna sur la droite, entra dans la clairière et, après avoir traversé un ruisseau, fit halte dans un vallon à l'ombre d'un bouquet d'ormes. Il n'était qu'à une petite distance de la colline et les chevaux n'avaient été utiles aux dames qu'au passage du cours d'eau. Les trois amis parurent se trouver en pays de connaissance dans ce lieu retiré. Appuyant leurs fusils contre un arbre, ils se mirent à écarter les feuilles sèches et, ayant ouvert la terre argileuse à l'aide de leurs couteaux, on en vit jaillir une source d'eau limpide et bouillonnante. Le chasseur regarda alors autour de lui comme s'il eût cherché quelque chose qu'il devait rencontrer. « Ces insouciants coquins de Mohawk, dit-il, ou leurs frères de Tuscarora et d'Onondaga ont étanché ici leur soif et les vagabonds ont emporté la gourde. Voilà ce que c'est que de rendre service à des êtres ingrats. Le Seigneur a étendu sa main au milieu de ces déserts et a fait, pour leur bien, sortir des entrailles de la terre une source dont l'eau salutaire peut défier la plus riche boutique d'apothicaire de toutes les colonies. Et voyez, les misérables ont piétiné sur l'argile et souillé la propreté de ce lieu comme s'ils étaient des brutes et non des créatures humaines. » Uncas tendit silencieusement à œil de Faucon la gourde souhaitée que sa mauvaise humeur l'avait empêché de voir et qui était suspendue avec soin à la branche d'un ormeau. Notre homme la remplit d'eau, alla s'asseoir à quelques pas de là, sur un terrain plus ferme, et la vida longuement avec grand plaisir à ce qu'il parut. Puis il commença une inspection minutieuse des restes de vivres qu'avaient laissés les Hurons et qu'il portait dans sa carnassière. « Merci, mon garçon, » reprit-il en rendant à Uncas la gourde vide. « Maintenant, voyons un peu comment vivent ces pillards de Hurons dans leurs expéditions. Tenez, les coquins connaissent les fins morceaux d'un daim et on les croirait de force à découper et à faire cuire une selle à l'égal du meilleur cuisinier du pays. Mais toute la chair est crue, car les Iroquois sont de vrais sauvages. Uncas, prenez mon briquet et allumez du feu. Une bouchée de grillade ne fera pas de mal sous la dent après une course si fatigante. » Le major, voyant leur guide s'occuper tout de bon de leur repas, aida les dames à descendre de cheval et s'assit à côté d'elles, heureux de goûter quelques instants d'un agréable repos. Pendant que la cuisine allait son train, la curiosité l'engagea à questionner Œil de Faucon sur les circonstances qui avaient amené leur délivrance si à propos et à l'improviste. « Comment se fait-il, mon généreux ami, demanda-t-il, que nous vous ayons revu si tôt et sans l'assistance de la garnison du fort Édouard ? S'il nous avait fallu descendre la rivière, répondit l'homme blanc, nous serions arrivés juste à temps pour étendre des feuilles sur vos cadavres, mais trop tard pour sauver vos chevelures. Non, non, au lieu de perdre le temps et nos forces à courir au fort, nous nous sommes cachés sur la rive de l'Hudson en surveillant les Mingos. Vous avez donc vu tout ce qui s'est passé ? Pas précisément. Un Indien a la vue trop perçante pour être aisément déçu, et nous sommes restés à l'abri. Le plus difficile, par exemple, a été de forcer ce jeune homme à se tenir tranquille dans notre cachette. Ah, Uncas, Uncas, votre conduite était plutôt celle d'une femme curieuse que d'un guerrier à la piste de ses ennemis. Les yeux pénétrants d'Uncas se portèrent un instant sur les traits sévères du chasseur. Mais il ne parla point, et rien n'indiqua en lui qu'il eût regret de sa faute. Au contraire, Heyward crut lire dans l'air du jeune Mohican une expression de hauteur dédaigneuse, de colère même, qu'il réprima autant par égard pour les personnes présentes que par suite de sa déférence habituelle pour son compagnon blanc. « Et notre capture ?» demanda ensuite Heyward. « L'avez-vous vu ?»« Nous l'avons entendu, » répondit le chasseur. Le cri d'un Indien est un langage intelligible pour ceux qui ont passé leur vie dans les bois. Mais lorsque vous avez débarqué, nous avons été obligés de ramper sous les buissons comme des serpents. Dès lors, nous ne vous avons revus qu'attachés aux arbres de la colline pour y être massacrés à l'Indienne. Notre salut a été l'œuvre de la Providence. C'est un miracle que vous ne vous soyez pas trompés de chemin, car les Hurons se sont divisés en deux bandes dont chacune avait des chevaux. « Ah, c'est là que nous avons été dépistés, et sans Uncas, nous aurions certainement perdu vos traces, » répondit le chasseur du ton et de la voix d'un homme qui se rappelle un grand embarras où il a été fourvoyé. Quoi qu'il en soit, nous virâmes de ce côté, jugeant avec raison que les sauvages ne manqueraient pas de s'y rendre avec les prisonniers, mais après avoir marché un bon bout de chemin sans voir une seule branche cassée, comme je l'avais recommandé, je me trouvais en défaut. D'autant plus que tous les pas portaient l'empreinte de mocassins. « Oui, » fit observer Duncan en levant le pied pour montrer ses brodequins chamarrés. « Nos conducteurs avaient eu la précaution de nous chausser comme eux. »« Bah, ce n'était pas trop bête de leur part, et je les reconnais là. Mais nous sommes de vieux routiers à qui une ruse si grossière ne fait pas perdre la piste. À quoi sommes-nous donc redevables de notre délivrance ?» En ma qualité de blanc qui n'a pas une goutte de sang indien dans les veines, vous devez la vie, j'ai honte de l'avouer, à la perspicacité du jeune Mohican dans des matières où je devrais être plus ferré que lui, mais sur lesquelles, à présent encore, j'ai peine à croire le témoignage de mes yeux. Voilà qui est singulier. Et de quoi s'agit-il ? Uncas osa prétendre que les chevaux de ces dames, continua Œil de Faucon en regardant avec attention les montures des deux sœurs, posaient à terre en même temps les deux pieds du même côté, ce qui est contraire à l'allure du trot de toutes les bêtes à quatre pattes, excepté l'ours. Et pourtant voilà des chevaux qui marchent toujours ainsi, comme mes propres yeux me le disent, et comme leurs traces dans un espace de plusieurs lieues m'en ont convaincu. C'est ce qui fait le mérite de ces animaux. Ils viennent des bords de la baie de Narragansett, dans le district des plantations de la Providence. Ils sont renommés pour leur vigueur infatigable et pour la commodité de cette allure qui leur est particulière, mais qu'on obtient fréquemment d'autres chevaux. « c'est possible, » dit le chasseur qui avait prêté une oreille attentive à cette explication. « Bien que je n'ai dans les veines que du sang de blanc, je me connais mieux en daim et en castor qu'en bête de somme. Le major Effingham possédait des chevaux superbes, mais je n'ai vu à aucun cette allure de guingois. Sans doute, car il recherchait pour son écurie des qualités différentes. Toutefois, c'est une race très estimée et souvent destinée, comme vous le voyez, à l'honneur de porter des dames. » Les Mohicans avaient interrompu leurs opérations auprès du feu pétillant pour écouter la conversation. Quand Duncan eut achevé, ils se regardèrent l'un l'autre d'un air surpris et le père ne manqua pas de pousser son exclamation habituelle. Œil de Faucon se mit à réfléchir en homme qui classe dans sa tête une connaissance nouvellement acquise. Puis, jetant de nouveau un regard curieux sur les chevaux, « Certes, » dit-il enfin, « on voit d'étranges choses dans les colonies. Une fois que l'homme a pris le dessus sur la nature, il l'oblige à de bizarres transformations. Quoi qu'il en soit, cette allure avait frappé Uncas et leurs traces nous ont conduits jusqu'au taillis ravagé. Près de l'empreinte du pied des chevaux, une branche avait été brisée par le haut, à la façon des femmes lorsqu'elles cueillent une fleur, tandis que toutes les autres cassées et froissées indiquaient que c'était l'œuvre d'un homme. J'en conclus que les malins diables, ayant aperçu la tige brisée, avaient bouleversé le reste pour faire croire qu'un chevreuil avait causé le dégât avec ses cornes. Votre sagacité ne vous trompait pas, c'est ainsi que la chose s'est passée. Rien de plus facile à voir, et il n'y a pas grand malice. Reconnaître l'allure d'un cheval à la bonne heure. Il me vint alors à l'idée que les Mingos se dirigeraient vers cette source, car les coquins n'ignorent pas la vertu de ces eaux. Ont-elles vraiment tant de réputation? Il n'y a guère de peau rouge voyageant au sud et à l'est des grands lacs qui n'en ait entendu vanter les qualités. Voulez-vous la goûter? Le major prit la gourde et, après avoir bu quelques gouttes, il la rendit en faisant la grimace. Le chasseur rit dans sa barbe selon son habitude et secoua la tête d'un air d'intime satisfaction. « Ah, je vois que la saveur ne vous revient pas, » reprit-il. « C'est défaut d'habitude. Dans le temps, elle ne me plaisait pas davantage. Mais je m'y suis fait, et maintenant j'en ai soif comme un daim altéré. Vos vins forts et capiteux ne vous sont pas plus agréables que ne l'est cette eau piquante à un Indien, surtout lorsqu'il s'affaiblit. Ah, Uncas a fini d'allumer son feu. Il est temps de songer à notre estomac, car nous avons une longue traite à faire. » Après avoir interrompu l'entretien par cette brusque transition, Œil de Faucon eut recours aux provisions de bouche qui avaient échappé à la voracité des sauvages. La cuisine fut bientôt terminée, et les Mohicans et lui commencèrent leur humble repas en silence et avec la célérité caractéristique d'hommes qui mangeaient afin de se mettre à même de supporter de nouvelles fatigues. Ce devoir nécessaire une fois accompli, chacun des trois amis se baissa et but le coup de l'étrier à cette source salutaire qui, 50 ans plus tard, devait réunir autour d'elle et des sources voisines la richesse, la beauté et les talents de tout le nord de l'Amérique, venant en foule pour y chercher la santé et le plaisir. Puis, Œil de Faucon donna le signal du départ. Les deux dames remontèrent à cheval, escortées de Duncan et de David, qui allaient à pied le fusil sur l'épaule. Le chasseur blanc marcha en tête et les Mohicans formèrent l'arrière-garde. La petite troupe s'avança d'un pas délibéré vers le nord en suivant les trois sentiers, laissant derrière elle la source mêler son monde à celle du ruisseau voisin et les cadavres des Hurons pourrir sans sépulture sur le haut de la colline, destin trop commun aux guerriers de la forêt pour exciter la commisération ou valoir un commentaire. It's not worth the paper it's written.